Sensiblement. Dans les frontières de l'autre monde, naviguer fier, lente de long, pour ce voyage en brume serre. Tant de mirages, voleurs de pierre, volant vos yeux, volant vos cœurs, à touche de l'âme, son éternelle âme, dans les frontières de l'autre monde. Naviguer fier, lente de long, finée d'amour, pour de beaux jours, frappant le crâne, violette flamme, ou de l'infâme. De l'autre monde, naviguer fier.